Cette 15e émission, Où ira bien, qui où ira le dernier, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur Radio Panique. Aujourd'hui, nous recevons Ipsos, salut. Salut. Rappeur français installé en Belgique, on va passer la prochaine heure avec toi à découvrir ton univers. Installez-vous confortablement, on commence par un live, Ipsos, en live dans les studios de Radio Panique. Yeah, yeah. Pendant que t'allumes ton wing, je t'allume la mèche des dynamites. C'est la guerre au pied des pyramides. Dans des bas de survêt en polyamide trop cramé. Le diable sourit car la fin est programmée. Nos mémoires sont comme des tombes profanées, mais pas celles de nos pères et mères qui ont trop ramé. Pousse-toi, j'ai de l'énergie à propager. Ils ont fait pousser des carottes dans nos potagers. Entre les flics et le coup de la vie qui persécute, entre le spectacle est offert par Belzébuth. Les concurrents se marchent dessus pour faire des thunes. Le goudron fait-on un pigeon, tu y laisses des plumes. C'est comme galérer dans un hall pour s'aérer. C'est des coups à être 10 ans après à les balayer. C'est mon avis, bon je navigue dans mon navire et surveille à la longue vue les pirates de nos avenirs. Oublie si t'as le mal de mer. On a appris à arriver au but sur un stade de merde. Dès que j'ai le stylo en main, je change de mœurs. Je fais des fuck à la DGSE qui se voit de Google Earth. J'ai vu les villes nouvelles organiser nos vies. À la fin des tractopelles ramasse les débris. Depuis je fais des heures sup à tabasser des beats. Pour passer entre les barreaux, j'ai assez maigri. Afin de ne pas avoir que le souvenir d'un enfer où on aurait greffé aux gosses des sourires à l'envers. Regarde-toi, regarde ta vie, elle agonise. Elle te fixe bien dans les yeux avant de lâcher prise. Et on aseptise nos consciences à l'eau de Javel. On s'estime heureux tant qu'à grailler dans la gamelle. Car ce monde est beau comme un SDF qui crève la gueule ouverte devant une Mercedes. Sous les satellites, les regards sont comme des gouffres. Les actions du mal sont cotées en bourse. Sous les satellites, sous les satellites, sous les satellites. Sous les satellites, le diable n'a pas d'identité. Il mange du pop-corn en te regardant crever à la télé. Sous les satellites, sous les yo. 1. Je sais d'avance que je serai pas dans le top 50, ni victime des techniques de filochage que les cops inventent. On n'est pas de l'élite, on en bave des litres. Donc on prend que de là où on est, on fasse des fuck à leurs satellites. J'en verrai bien dans l'espace, c'est con. Ils coloniseront d'autres planètes et nous manipuleront. Bracelet électronique, puce sous cutanée, tous fichés. On m'a dit il, un moment, faudrait que tu dises qui c'est. Mais le diable est une entité pas encore identifiée. Quand il a ses plus beaux apparats, j'ai vu trop de gens s'y fier. Pour le rejoindre, les gens sont comme téléguidés. Mettre ses plans en péril. Telle l'idée, on y arrivera avec témérité. Si c'est mérité, tous les meurtres qu'on officie sur instru sont prémédités. Laisse tourner le sample. Quand je rappe de l'autre côté de l'enceinte, je ne vois pas couler le sang sous les satellites. Les regards sont comme des gouffres. Les actions du mal sont cotées en bourse. Sous les satellites, sous les satellites, sous les satellites. Sous les satellites, y a ceux qui font couler le sang et ceux qui regardent couler le leur. Sous les satellites, sous les satellites. Yo, yo. 1. On organise le génocide parfait car il est invisible. Le repos du guerrier, le combat est indivisible. Il y a les petits et les grands délinquants. Ceux qu'on prend la main dans le sac, ceux qui portent un beau costard quand ils braquent. Nos armes sont des bouches ouvertes, prêts à déblatérer. Pour défendre nos proches et nos propres intérêts. J'ai vu le diable avec le sang des affamés se désaltérer, puis tout désintégrer. Mais le cœur bat encore, témoin d'une époque hardcore où tu comptes les morts. Vois ceux qui collaborent, ceux qu'on enferme à tort. Tu verras pas les grands de ce monde boire leur whisky. Quand tu crèves, ils sont en Polynésie ou au Bahamas. Ils marchent sur des corps désarticulés sans salir les godasses. Ils te diront, y'a ceux qui crèvent, ceux qui sont vos races. Chacun ses priorités tant qu'il y a de la caillasse. Sous les satellites, je ne suis qu'un point avec le majeur en l'air. Il me reste tout à faire sous les satellites, sous les satellites, sous les satellites. Sous les satellites, le diable n'a pas d'identité. Il mange du pop-corn en te regardant crever à la télé. Sous les satellites, sous les sous les satellites. Ipsos, sous les satellites. Radio, sous les satellites. Panique, sous les satellites. J'ai un, yo. Le salaire du labeur. Wacos musique. pas besoin de matos d'usine. Ya, ya, ya. Merci Ipsos pour ce premier live. Merci de rien. Là pour ça. Ouais. Bah vous pourrez réentendre Ipsos en live dans les 20 dernières minutes de l'émission. Donc vous l'avez compris, ce morceau s'appelait Soul et Satellite. Pas Soul et Satellite, mais c'est ouais. Pas mal en même temps. Soul et Satellite. Pour commencer, t'as eu plusieurs périodes, plusieurs passages. Ça fait pas mal d'années maintenant que tu fais du hip-hop, une dizaine d'années. Ouais, une petite dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Ouais. Passé par du hip-hop cynique, humoristique, des périodes plus sombres, proches de la rumeur. C'est ça. Du hip-hop aussi plus années 90, avec des instrus soul funk. Comment tu définis le style Ipsos? Alors, le style Ipsos, ouais, c'est, ben, tu l'as plutôt bien dit, en fait. C'est vrai, il y a pas mal d'ironie dans les images. Je dirais que c'est un peu... j'essaie de faire un maximum d'images. Et en fait, vu que je dessine à la base... mon style il est assez dessiné, en fait je dessine des paysages, des choses à regarder, et voilà, et après il y a une grosse part d'interprétation aussi, des gens qui voient aussi un peu ce qu'ils ont envie de voir, et j'aime bien un peu ce côté qui te laisse une liberté quand même entre les lyrics. Ouais. Et comme beaucoup de rappeurs, t'as pas de formation musicale, en fait toi tu viens des Beaux-Arts, c'est... ouais j'ai fait une école d'art, ouais, pendant 5 ans et enfin 4 ans tu faisais et plutôt tout ça du hip hop que de l'art. À la base, ouais, j'ai toujours fait, enfin j'ai fait depuis que je suis ado, j'ai fait du hip hop et ça m'a jamais lâché. Après bon, vu que j'avais, comme je t'ai dit, j'aime bien le dessin, donc je suis parti dans cette direction, mais après voilà, je suis revenu naturellement à mes premiers amours, quoi. Bon, on va écouter un morceau que tu as écrit à mi-parcours. Ouais, ça fait, il a 3 ans, un truc comme ça. Et je suis pas tout seul dessus, en fait. Il y a mes potos de Lyon, RAS, à qui voilà, je passe un petit bonjour. Et voilà, en fait, ce morceau était sur leur album. Autour d'un verre. Voilà. Autour d'un verre. Elle m'a guiché dans la vitrine de l'épicerie comme une putain d'âme. Elle a kidnappé ma putain d'âme. Pour elle, 20 euros on rack. C'est rush, mais on pense plus à nos rats quand on la glisse dans nos anoraks. Tu te sens désabusé car on te vole, mais t'aimes tellement ces baisers à 40 volts. De minuit, faudrait peut-être que je graille, mais je suis tombé love d'une bouteille de Sky. Raison pour laquelle je fais un bec de smile. Sous sa robe brune, tes amis bavent, son arôme brûle. Les amygdales enlèvent tes sales pattes d'elle. C'est de sa faute si à cette heure-ci les anges battent de l'aile. Les airs plaisent pas beaucoup à ma mère, promis. Demain je la jette comme une bouteille à la mer. Ipsos, un débraillé de piaveur qui se m'a braillé quand vient l'heure de la piaware. Assez peu, j'ai déclaré ma flamme car j'ai égaré ma femme. Stylo feuille, préparez le napalm. Laisse-moi cramer la cam que les collègues nous fournissent la nuit. Et pour oublier les bâtards qui nous pourrissent la vie, j'ai pas de gaz pour les pétasses en taille basse. Juste une clope. La taille grasse, en plus un tas de phrases qui rient. RAS, Ipsos, tiens, le v'là ton aspire. Oh, sueur, repasse mes fringues avec mes mains. La rigueur de l'apparence, tu avances vers le videur qui nous compare à des insectes et l'une pesticide. Quoi, c'est pas possible, y'a pas moyen. Moi je reste ici, celui qui rate les bons coups à la marquise. Pourtant, il paraît qu'on tire pour un smarties. Des types qui viennent lâcher leur humidité. Ta timidité baffée par un whisky. Comme ton nuit, ton champ de vision rétréci. Avec Ipsos, c'est ces sons qui s'apprécient. Ta voix buccale rafraîchie par un kiss cool. Mais c'est vrai que sous les spots, y'en a peu qui se moulent. Trop style, trop style, trop style. Les meufs se sapent par Dieu ou dans les boutiques de la presqu'île. Enfin à l'aise, sauf que t'as passé une main à Cécile. La femme du gros balèze imbécile. Face à catégorie gorille, c'est ça. Fais semblant de chercher de la morille et de mesure pour quitter la piste de danse. Réfugié au shot, sans la chasse en plus, y'a de la piste dedans. Allez, je veux pas me faire péter par un minus. Ligne à vaut en plein, je défouraille au terminus. Well, it was, I realized that it d'un spliff, écoute le son qui te choque. Chope les feuilles et la weed, demande aux potes qui roulent un pop. On en repart tout à l'heure, pété mon cul de chaleur. La parano pendant des heures, la fumée brûle à l'intérieur. Amsterdam, la ville de rêve, du sexe et du cannabis. Putain en vitrine, on leur fait pas la bise. On plane dans les rues du quartier où j'écarte et bouge. Toi devant les gars qui te vendent des dolipanes en poule. La tête gonflée à bloc, l'argent est dans les poches. Vas-y sans nous tout ton stock car on arrive en force. White Widow, Northern Light, Bubblegum, Euphoria, Mango, Papaya, tout te donne un bon high. Là où je suis dans une bulle, les mecs j'ai chaud, faut que j'enlève mon pull. Je vous jure je batte, faut que je tienne les murs. T-O-N-Y dans tes bas mec, tu sens la phrase sous tes baskets. T-O-N-Y dans tes baf mec, tu sens la phrase sous tes baskets. Versatile, déverse la bile, redresse le speech, je possède de bête d'un spi. Mon ski, il est possible de rester lucide. L'un de tous ces reptiles débarque dans cette soirée avec plus aucune optique. Des poches troncs ont la main mise sur la boisson pendant que d'autres travaillent des cachetons. Mes verlises dans les yeux de celles qui se couchent dans les berlines. Vers minuit sur ce canapé, la vers minuit en approchant quelques dames. Y'a ceux qui sont là pour mettre des fronts, celles avec leurs jonques qui n'aiment que les soirées funk. Des perses louches se pavanent, bavardent avec des afters dans la bouche. En décalage, où sont mes potes? J'ai pas de fiole, fun pour m'esquiver dans les jeux. Tu te lâches, t'es pété. Certains me parlent en commençant, pour moi c'est HTTP. J'aime pas l'hiver, je m'en bats l'ivresse de ces balivernes. Je ne suis pas d'Apollinaire, reste polymère, chacun son gobelet en polymère. Je perds dans les conifères quand les sujets prolifèrent avec aucune similitude. De ceux qui ont fait similitude à celui qui n'assimile pas les thunes. 6000 chez les stupes, 6000 dans les stupes. Je n'ai pas 6 minutes pour ça, tu vérifies que je m'assimile bien dans ta scénifie. Une émission sous le signe du hip-hop aujourd'hui, en compagnie de Dipsos. Comment t'as rencontré le milieu? Comment t'en es venu au hip-hop? À Nevers déjà? Ouais, c'est ça, à Nevers, ouais. C'est ma ville, ma ville... Natale. Natale, ma ville de base. Et c'est venu naturellement en fait. Le fait est que le hip-hop, t'as pas besoin de grand-chose pour en faire. T'as besoin d'un crayon. Et voilà, c'est low cost quoi, c'est de la musique low cost. Donc si vous avez pas de thunes, c'est bien de faire du hip hop parce que voilà, il y a moyen d'enregistrer assez simplement. Et maintenant en plus, tu vois, il suffit juste d'un micro, on avait des cassettes, des instrus et voilà. Et c'est parti comme ça, assez naturellement. Et puis voilà, ça a continué. Ce qu'on a entendu là, ça s'est fait comme ça, enregistré à la maison. Ouais, c'est assez à la maison. Ça, c'est l'album d'Erales que je conseille d'ailleurs, qui est vraiment bien, qui s'appelle Nuages de lettres, qui est sorti il y a 2 ans. Et on n'a pas des moyens énormes, tu vois, mais je pense que justement, c'est une bonne musique pour ça, parce que il y a des millions de possibilités. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour les faire. Tu vois, si t'es contrebassiste, c'est une galère d'enregistrer une vraie contrebasse. Voilà, nous on sample des contrebasses et elles sonnent déjà bien. Et après on arrange tout ça à notre sauce et c'est une manière de se réapproprier un peu ce qui a été fait. Voilà, il y a une source énorme de musique et de pas oublier que cette musique existe et nous on la réutilise quoi. Voilà. Ok, une petite chose que t'as faite il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant. On va écouter un court extrait, ça s'appelle The One. Et The One. Ouais, et c'est sur un sur un album de 37 morceaux qui s'appelle Paye ton Kawé. Ah, oh là là. Ah ouais, là tu mets vraiment un dossier là. Et vous allez entendre Ipsos dans un yaourt, premier morceau de l'album, c'est du yaourt. On parlera après de l'écriture des textes. chick tail. Can they revive the dance tail? Make them all well, we can move on with the shows all. Come over the drag in the ground, against time. Begin to give us sticky the vibe, like a spout. Chick, can they revive in any chick? Begin to give us the better than the sound from the chick. Go out, get out the diamond in the show. Get the belief in the summer like confidant throwing. Everything that they refuse to be accusing. Get everything the music, confidence to use it. Ouais, non, là, c'est vraiment un dossier que t'as mis. Donc, un yaourt, c'était avec les copains enregistré. Ouais, c'est avec les copains, ça. De la même c'était manière. Pour rigoler. C'était vraiment pour rigoler. C'est histoire de. Voilà. C'est d'amener au rap des gens peut-être qui faisaient pas de rap, en fait. Et du coup, c'était marrant, quoi. Parce que souvent, ce qui les handicape, c'est les mots. Et voilà, et du coup, bah, quand tu parles dans n'importe quelle langue. On avait Guylaine, lui, il faisait du rap, à moitié tchécoslovaque, russe, on sait pas trop d'où il venait. Lui, il est devenu rappeur. Lui, à la base, il faisait du rap, ouais. Ouais. Dans un groupe qui s'appelle Milsup, mais ils sont de Bayonne. Mais en fait, tout ça pour dire qu'en même temps, c'est un exercice intéressant, je pense, tu vois, c'est un peu comme le scat dans le jazz, quoi. C'est une manière de, tu vois, de trouver des feelings avec la musique, mais... Après, voilà, de là à faire des albums, nous, on faisait ça pour rigoler. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et justement, pour l'écriture des textes, du coup, comment ça se passe? Toi, t'écris tous tes textes. Ouais. Ça parle de quoi? Bah, ça parle de ce que je vois tous les jours, voilà. Et j'ai une esthétique un peu comme ça, apocalyptique, tu vois. J'aime bien les films comme Mad Max, tu vois, Invasion Los Angeles, les trucs de Carpenter, un peu série B comme ça. Film d'horreur aussi. Où c'est la fin du monde, ouais, un peu film d'horreur aussi. Et j'essaye de trouver des liens qu'il y a dans ces films ou parfois dans les livres. Et puis, tu te rends compte que dans la vie, il y a des trucs qui sont un peu similaires, à une autre échelle, différemment, mais... Et voilà, j'aime bien m'amuser un peu de ouais, la société, ouais, c'est une manière aussi un peu de parler de soi, quoi. C'est une thérapie, quoi, le hip-hop, pour beaucoup de gens. Voilà, c'est une manière de mettre ses idées à plat et de repartir sur de bonnes bases. Une fois que tu les as écrites, tu comprends un peu mieux où tu vas. Et voilà. Et alors, Ipsos, depuis 3-4 ans, tu vis à Bruxelles. Ouais. Et est-ce que tu avais un intérêt particulier pour le rap belge Non, je t'avoue, c'est vrai que quand je suis arrivé à Bruxelles, je connaissais pas beaucoup de rappeurs, quoi. J'avais entendu parler de 2-3 trucs, mais vraiment, je connaissais pas, quoi. Pour moi, c'était Benny B, tu vois, malheureusement, quoi. Et c'est des vieux clichés. Et en 3-4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse richesse, quoi. Il y a plein de choses. Il y a plein d'MC, comme je l'ai vu aussi en France, dans des... Tu vois, même dans des petits patelins en France, il y a des mecs qui rappent et qui déchirent. Ici, c'est pareil, tu vas dans les petits patelins, Namur, Rochefort, voilà, Big Up Asenzo d'ailleurs, voilà. Et il y a des mecs qui rappent, quoi, et qui rappent bien. Et est-ce que la rencontre avec le milieu, ici, s'est fait facilement? Comment ça s'est... C'est disons que c'est pas... Moi, tu vois, j'ai du mal à aller chercher les gens, tu vois, donc ça a été long. Ça a pris un peu de temps, tu vois, 3 ans pour que je commence à rencontrer un peu des gens et surtout que ça se fasse au feeling parce que c'est de la musique, donc essayer d'arranger des trucs entre les gens pour qu'ils se rencontrent, c'est une bonne chose, mais parfois ça perd un peu du côté feeling et moi j'aime bien ça et voilà, du coup ça a mis un peu de temps, mais je commence à rencontrer des gens, ouais, qui font de la musique ici, ça se passe bien, quoi. T'es en lien avec une plateforme qui s'appelle Wacos. Wacos Music, ouais. Voilà. Alors en fait, ça c'est la plateforme qu'on défend. En fait, c'est la plateforme sur laquelle on défend nos projets. Donc tu tapes Wacos Music sur Google, W-A-K-O-S Music avec un C, et tu vas trouver directement. C'est le premier lien. Et donc là, il y a tous nos projets en libre téléchargement. Donc là, c'est avec d'autres rappeurs, producteurs, voilà. Belges hein, ou... En fait, pour l'instant, pas trop. En fait, ça, comme je te dis, ça prend du temps. Donc on a fait une compile qui est sortie cette année au mois d'avril. Et elle regroupait quelques gens d'un peu partout. Il y a un mec d'Arizona, il y a des Français qui viennent de plusieurs villes différentes, Orléans, Lyon, chez moi, Nevers, Paris, un peu de tout. Et donc voilà, l'idée c'est de rassembler un peu les gens sous un étendard, quoi, Wacos Music. C'est un peu notre empreinte, quoi, au niveau du son. C'est un son assez... pas toujours jazzy, mais qui est vachement imprégné de soul, de jazz, de funk, et toutes sortes de musiques en fait. Ça groove. Ouais, voilà. C'est un peu, ouais, voilà. Faut que ça groove. Et y a un côté bon esprit, même si, voilà, on parle de choses parfois difficiles. Et on essaie toujours de garder un bon esprit. Voilà, c'est du son, tu peux te mettre bien. Tu te mets chez toi, t'écoutes ça, tu te mets bien. On va écouter un des morceaux de la compile de Wacos Music. Ça s'appelle Punk Waves. On écoute. Wave life, smile down my feet, no later. I'm on my own agenda, travel with the vibe. I got 40 ounce rolls that end the curve right after flower pop. Go opposite of the way I'm moving. From the system they designed to keep the dreams in ruin. It's the trap of human life, I tell you. Fast money, bucket and guns is too familiar. So that's why I live positive, positive. Stay away from shady human beings up in this music biz. Punctuation, damn right, I'm with it. The only way to fly and invert, yo, we living. We ain't trippin' on the buzz, we do this for ourselves. Love vibrations and further music. We ain't trippin' on the buzz, we do this for ourselves. Love vibrations and further music. On fait ça, punk aiguise la hache de pierre. On reprend les chiro, les spliffs et les bacs de pierre. Comment ça, on vieillit, on a plus l'âge de le faire. On apprend à danser dans les chaînes et les éclats de fer. On fait ça, hip hop aiguise la hache de guerre. On reprend les chiro, les spliffs et les bacs de pierre. Comment ça, on vieillit, on a plus l'âge de le faire. Nous on ira au cercueil avec la main en l'air. Je me sens si peu à ma place dans cette société. Comme dans un t-shirt large, sous un pull serré. Si l'alternative c'est la marge ou le crédit, la bagnole, le paf pour la masse. Alors ouais, je suis sur Mars mais en marche. Bien décidé à lutter tant que je reste en vie. Par la rue et les idées, cous, qu'est-ce t'en dis. Le reste en vire, c'est quand on se serre les coudes que l'espoir resplendit. Nous sommes les restes qui sommeillent dans des plats rouillés. Après le festin de la veille d'une cuisine pleine mais souillée. Can't stop, won't stop, nos ingrédients sont hip-hop. Le son pour moi c'est quelques mètres d'ombre. Après des kilomètres à ramper sous le soleil de plomb. Si l'esprit est bon, je viens rapper pour pas 6 sous. Ou pour une bonne cause, pas de soucis. Y'a pour engraisser les profiteurs que je sourcille. On fait ça, la punk aiguise la hache de guerre. On reprend les chiro, les spliffs et les bacs de pierre. Comment ça, on vieillit, on a plus l'âge de le faire. On apprend à danser dans les chaînes et les éclats de fer. On fait ça, hip hop aiguise la hache de guerre. On reprend les chiro, les spliffs et les bacs de pierre. Comment ça, on vieillit, on a plus l'âge de le faire. Nous on ira au cercueil avec la main en l'air. Yeah! Lève ton majeur, pousse un cri ravageur qui fait un gros bruit tapageur. Mais s'il te plaît, écris ta page, vite à rage. Encore un cri détruit ta cage. Je suis des rues étroites, fuis ta boîte, essuie les traces et repars à la nage. Ne porte pas la crête, c'est has-been. Punk Wally, c'est dans la tête, pas dans la coupe de cheveux ni les habits. Jet dans les abîmes, tes livres de chevet remplis de fêtes, ce que je dis, mais pas ce que je fais. Plus proche de quelques millimètres, du milieu, du midi, une mètre. Mais 10 000 lieux, il reste déjà vieux, t'aimerais mieux y être. Un marginal, au lieu d'un marginal dans de grosses barres de fumée de plantes médicinales. Ta vie est floue et ton ouïe est souillée. Les couilles dans la gorge, le cervelet dans les souliers. Moulé sous des coulées de boue, tous tes membres rouillés. Mouillé jusqu'au bout de toutes tes idées dépouillées. On fait ça, la punk aiguise la hache de pierre. On reprend les chiro, les spliffs et les bacs de pierre. Comment ça, on vieillit, on a plus l'âge de le faire. On apprend à danser dans les chaînes et les éclats de fer. On fait ça, hip hop aiguise la hache de pierre. On reprend les chiro, les spliffs et les bacs de pierre. Comment ça, on vieillit, on a plus l'âge de le faire. Nous on ira au cercueil avec la main en l'air. C'était Punk Waves, un morceau de la première compile de Wacos Music, ici avec un Américain, en fait, c'est basé... Ouais, voilà, c'est ça. On essaie de se mélanger un maximum, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, et là, justement, on est sur un deuxième projet, donc le volume 2, où là, par contre, il y aura quelques Bruxellois, il y a Senzio, Tonino, voilà, il y a les gens d'Unity, donc les Sénégalais à qui on a développé un projet aussi qui seront dessus. Il y a moi, puis il y a d'autres Français, voilà, on va essayer de se mélanger un maximum. Voilà, quand il y a un bon feeling, voilà, ça se fait automatiquement comme ça. Et les morceaux sur Wacos sont en free téléchargement ? Ouais, tout est gratuit, à part un projet, le dernier projet de Julien Queuze, qui est sorti aussi sur Wacos Music, qui s'appelle Antoine. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de l'écouter parce que lui, il a une plume vraiment assassine, quoi. Il fait pas de cadeaux. Et ça fait du bien à entendre un mec qui mâche pas ses mots. Et c'est en référence à Antoine dans Deux jours à tuer. Je sais pas si tu l'as vu avec Dupontel. Voilà. Et dans Où ira bien qui ira le dernier, on reçoit souvent des musiciens de musique expérimentale. Ça se fait beaucoup le free téléchargement, enfin licence Creative Commons, ce genre de choses. Dans le hip-hop, c'est développé aussi. Vous défendez ça? Parce qu'en fait, si tu veux, t'as plus trop le choix maintenant aujourd'hui. Faire des CD, ça a un coût. Si t'as pas un soutien derrière pour le faire, bah ça a pas grand intérêt. L'important, c'est que les gens écoutent un maximum ta musique. Après, voilà, ça ne vous empêche pas de presser des CD. On en presse à chaque fois très peu, juste pour les gens qui sont intéressés, qu'on connaît en partie. Voilà, on fait pas de vente sur Internet. Peut-être ça va se faire après par la suite, mais dans un premier temps, voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit écouté un maximum. On va écouter d'ailleurs par la suite en live, on y reviendra, on en parlera de ton premier album solo, Le Salaire du Labeur. En attendant, il y a d'autres projets parallèles que tu fais, notamment Unity, avec des rappeurs sénégalais. Exact. Unity, c'est quoi? C'est une référence à la Zulu Nation ou... Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment cet esprit-là, en tout cas, on le fait dans cet esprit, le plus hip-hop possible. Et voilà, c'est une chouette rencontre, c'était aussi un chouette défi parce qu'on a eu peu de temps en fait, et on a eu une résidence pendant 10 jours à Forêt, et voilà, on a dû développer un projet en 10 jours, donc se rencontrer, eux ne se connaissaient pas non plus tous entre eux, donc c'était hyper enrichissant. Et ça permet aussi, tu vois, de peser ses mots, en fait. Ça permet de peser ses mots parce que c'est des gens qui ont une autre histoire que la mienne. Et voilà, quand ils on parle de certains sujets... Ils ont commencé le rap au Sénégal. Voilà, et à Dakar, c'est encore autre chose. Le hip-hop, c'est un art de vivre. Il y a encore des gens qui rappent dans la rue, et ça freestyle, et il y a plein de battles, il y a plein de trucs. Et voilà, eux, ils ont apporté ça, cette énergie aussi. On a fait un petit projet ensemble. Il y a Cool Court aussi, une dédicace à lui, qui est dessus, qui fait les sons. Et voilà, c'est un producteur new-yorkais qui fait aussi de la peinture, du dessin, de la peinture. Ouais. On va écouter un morceau de ce collectif, de ces gens, ces rappeurs qui se sont rassemblés, Unity. Le morceau s'appelle Collectif. Les enfants du monde, le beat est lourd jusqu'à Dakar, on a entendu Londres. Les yeux grands ouverts comme si t'avais pris de glace. Au bord du paradis, il n'y a pas de filles faciles, mais des flics fascistes dont t'évites la cible. Des mal aimés, toujours aliénés quand ils quittent l'asile. Frustré, pris de panique, aiguise ton islamique. Voyage par les mots, j'brise la tyrannie. L'immigration, d'où top dans le job. Que te créer une occultation, gagne d'où aussi mani. Drop l'âme, grec l'inani, père et mère, yoko gnani. Bolle, khala, com, dédi, fit et drum. Ayo, pari, brussel, marrom, d'où y finu mom. Danyo, bug, am l'oubari, t'erri, jok, di wari. Kai, renti, promessi, comme tout n'y promessi. Bug, dollar, wadji, oro, defri, sunu, iboro. AM, Erika, t'entends pas là dans mon héritage. L'érical pour ennuire maintenant, c'est délicat. Zoom sur mes pages, tu verras le saut de Kinshasa. Zoom dans la page, efface le brouillard de vos histoires. Quoi, tu pensais qu'on était faible, qu'on avançait comme des bêtes, qu'on était tous enchaînés à vos mensonges comme des nègres. Désolé, on fait l'affaire, nous les enfants de la terre. Faudrait-il qu'on se la ferme, on a pas que ça à faire. Passe-moi le mec que je te montre comme je rappe. Gun the tango shine, they knew one lost in Egypt, far from the ghetto. Still be the hero, trippy sabot roll, dark the boy, yo, go for. Émigrer comme tu veux, ici c'est pas facile. L'argent ne pousse pas dans les arbres, dans ta tête ça défile. De ma terre à la sienne, de ta chair à la mienne, j'ai quitté la belle vie de mon pays. Immigration, le seul top intégration. Intégré, gra, action. You like hall, but to racisme, ségrégation. Ya ham ga deke wal lot ni, wala sa yot ni, Flandre zot yi, hook up yay. Weke tal strip yay, nyon tay jay la prek way. Impose le langue jay, l'homme sur siasse way. Rande way, ede way, de o day, de flow ray, am blu ray. Comme il est repousse à arrive. Combien de noms ils dérivent, combien rêve Eldorado, et s'y versent comme des taureaux. Bigo to Colorado, par avion ou par bateau, ils se cassent derrière radeau et portent leur sac à dos. Tougue pour sorry, comment ton I'm sorry. Champion la bugger Johnny, pour les mains à la bonnie. I'm kiss Johnny Johnny, arrête ta xénophobie. Pour le fond net de me crazy, beaucoup ma monde en Anthony. L'histoire a juste migré sur des eaux troubles et sombres, sifflotant l'hymne du désespoir des ombres. Malheur à qui tentera de la retenir, elle s'est décidée à partir, quitte à mourir. Pour tout vous dire, les fautifs sont des deux côtés, citoyens du monde. Ils ont boycotté pour imposer à côté un vis-à-vis à sens unique. Ça paraît tellement illogique, toutes ces politiques. Un cauchemar européen, un sur haut-parleur, CFA plein l'eurodateur, c'est l'Europe d'ailleurs. Les ports sud, est tu à la chaleur. Portugal, Congo, Sénégal assume le labeur. Pouvoir au peuple et le gouvernement a peur. Le rêve africain a perdu sa saveur. Depuis qu'on s'alimente de tout ce savoir, citoyen du monde et Africa et Mama. Ici, là-bas, c'est le même combat. Ceci, Nyata, le New Delo Comda. Crazy life and brainwashing. Crazy life, once again watching. Ici, là-bas, c'est le même combat. Ceci, Nyata, le New Delo Comda. Crazy life and brainwashing. Once again watching. Aïe! C'était Unity, donc un projet auquel tu as participé avec des rappeurs sénégalais et bruxellois. Voilà, c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Il y a aussi Sensei, K2, et il y a Miko aussi, un chanteur musicien, il joue aussi. On va pouvoir vous voir dans quelques semaines, le 16 janvier, vous jouez ensemble? Non, le 16 décembre. Ah, c'est le 16 décembre. Ouais, c'est juste là, c'est la semaine prochaine. Okay. Et voilà, on joue au Brass. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est, je crois que, il me semble, c'est gratuit. C'est suite à une journée sur l'immigration. Et voilà, ça se conclut par ce concert. Alors Ipsos, il nous reste 25 minutes d'émission. On va passer aux choses sérieuses. On va parler de ton projet solo. Premier album sorti il y a quelques mois, Le Salaire du Labeur, qui a été enregistré dans un studio pro à Saint-Gilles. Ouais, avec Dave Lux et François. Voilà, je leur fais un big up. Ça a été un grand pas dans l'ensemble de ton parcours? Ouais, ça a été hyper important. C'est une pierre, vraiment la pierre angulaire de ce que je fais depuis le début. Je me suis dit, allez, faut que je pose les choses. C'est un album qui m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris deux bonnes années à le faire. Donc il y a des morceaux, il y a deux ou trois morceaux qui sont un peu plus vieux. Et voilà, en fait, j'ai essayé de faire en sorte que tout tienne debout. Faire un album, vraiment un album quoi, avec un univers particulier et que tous les morceaux en appellent un autre. Avec des sources d'inspiration, toi t'aimes bien Oxmo Puccino, La Rumeur? J'aime bien Oxmo, oui, La Rumeur j'aime bien, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais j'aime bien la couleur de la musique. J'aime bien Oxmo, j'aime bien Flint aussi, tous les mecs qui écrivent quoi, et qui racontent des trucs dans leurs textes, La Secret Connection, Fab à l'époque aussi, Time Bomb, donc Ify, les X-Men, voilà, toutes ces références un peu années 90 justement. Et mais parce que la musique a une place importante. Pas seulement les lyrics, ouais, ce qui parfois pêche dans le rap français, c'est aussi la musique. C'est vrai. Toi, tu t'amènes quand même. Bah, j'essaie d'amener ouais, une couleur musicale, un univers musical, quoi. Parce que bon, il y a une sorte de tendance, quoi. Tu vois, la musique électronique en ce moment, pourquoi pas, c'est très bien. Hein, mais... l'abstract hip hop. Voilà, tout ça, mais c'est... j'en ai fait aussi de l'abstract. Au début, j'ai commencé par des trucs hyper. Hyper déconstruit, tout le monde disait c'est hyper bizarre, et en fait avec le temps je suis revenu vraiment à des choses old school, au fur et à mesure je suis revenu au premier rap que j'ai écouté et qui me touchait quoi. Et donc c'est toi qui as produit la musique de cet album? En partie ouais, je suis pas tout seul, il y a Soupafou, il y a Rob Weed qui a fait des beats, il y a, merde j'ai pas envie de dire des conneries, il y a Beat K aussi qui est montréalais. Il y a Looping aussi. Ouais, tu t'es entouré. Ouais, il y a quelques beatmakers qui ont fait un ou deux beats. Et moi, j'en ai fait un truc comme 6 ou 5 ou 6, je sais plus exactement, 7 peut-être. Et pour toi, ça fonctionne ensemble d'écrire et les lyrics et la musique? Bah, souvent, c'est ça ouais, qui me déclenche l'écriture. Quoi. Je vais faire une musique et c'est ça qui va déclencher le truc. J'ai du mal à écrire sans musique. Et cet album, il a été remixé déjà. Ouais. Bah juste après, en fait, voilà, histoire de, voilà, je sais pas, de un petit cadeau en plus, quoi. Il est en libre téléchargement aussi. Bon, il est pas en entier. Hein, il y a 5 titres ou 6. Ouais. Et donc ça, on peut le retrouver aussi Sur Wacos Music. Sur Wacos. Tapez Wacos Music. Mm. C'est tout simple. Et l'album a été remixé par Rob Weed, qui est un nom qui revient pas mal. Ouais. C'est mon sauce de son, quoi. Vraiment. Le malheur, c'est qu'il habite pas ici. Il habite à Orléans. Et voilà, j'aime bien sa couleur musicale, il m'a appris pas mal de choses. Et voilà, on fonctionne bien tous les deux, lui il fait des beats aussi, il me les envoie. Voilà, des fois j'écris un couplet dessus, je lui renvoie, il réécrit un couplet. On fonctionne vachement comme ça au feeling, des fois il y a des morceaux, on sait pas où ils vont. On enregistre quelques phrases, on le partage avec d'autres gens, nos potes, qui vont dire « Ah bah moi je veux faire un couplet dessus », puis il y en a un qui dit « Ah moi je vais faire le refrain », et finalement des fois ça va très vite, ou à cause musique on l'a fait en 2 mois quoi, 3 mois, et on a fait 20 titres comme ça. Et alors là, dans ton parcours, ça fait quelques mois que ce projet solo est sorti, là en octobre t'as reçu le prix Parole Urbaine au Bota. Ouais, j'ai pas reçu le prix mais j'ai participé à l'événement quoi, et j'ai été récompensé pour ça. Mais c'est... Oui, parce qu'il y avait plusieurs, donc il y avait Slam, Spoken Word et Rap. Et t'étais donc... voilà, bah après c'est hyper chouette quoi, ouais, J'étais super content d'être là, quoi. Alors ça a été quoi, la récompense du prix Parole Urbaine? C'était, je crois que c'est de l'oseille, hein, de l'argent. Voilà, mais il n'y a pas eu de scène, malheureusement. Mais bon, voilà, après, il faut mettre de l'eau dans son vin, continuer de travailler, puis chercher des scènes aussi par soi-même, c'est bien, il faut... À Bruxelles, c'est facile, hein, parce que finalement, il n'y a pas tant de concerts hip-hop. Il y a parfois des gros passages au Beurs, au VK, à la Raffinerie. Mais comment ça se passe pour ceux qui arrivent? C'est vrai qu'il n'y a pas trop de lieux où tu te dis, allez, tiens, je vais aller dans ce truc. Il y a souvent des open mic et tout, les gens se retrouvent. C'est vrai qu'à Bruxelles, il n'y a pas ça. Ou peut-être qu'il y a, je ne suis pas au courant. En slam, il y a. En slam, voilà. En slam, ça se fait beaucoup, mais en hip-hop, c'est beaucoup plus rare. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos, tu vois, 2 micros et c'est parti. Je sais pas vraiment. Il y a les arts urbains qui monopolisent. Les arts urbains, ils font beaucoup déjà, voilà, mais après, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Il y a quand même pas mal de rappeurs. Voilà, il faut que ça tourne un maximum. Peut-être que ce qui manque, c'est un peu d'initiative un peu personnelle. Je pense qu'il y a peut-être moyen hein, d'organiser des soirées et tout, mais bon, il faut se bouger les fesses pour le faire. C'est toujours possible, je pense, mais... Et tes albums, donc c'est souvent produit par... la musique est produite par ordinateur. T'aurais l'envie de jouer avec des musiciens live aussi? Bah, en fait, ça dépend dans quelle optique. Moi, j'aime bien le rap, quoi, tu vois. J'aime pas trop les compromis où on met de la musique. The Roots, c'est très chouette parce que en même temps tu vois un mec comme Oxmo, voilà, il approche doucement de la bonne 35e passée, et voilà, c'est normal, il faut qu'il évolue dans sa carrière. Mais bon, j'aime autant l'hypopète bar, tu vois, qu'avec un groupe de jazz, que son premier album L'amour est mort, Opéra Puccino, son premier, bah, pour moi voilà, c'est le must, quoi. Après, en live, c'est génial parce que lui, il fait rejouer ses musiques, ses instrumentales par des musiciens. Cette optique-là, je trouve qu'elle est intéressante. Oui, après, parce que c'est lui qui continue à écrire. Parfois, ça dénature, tu vois. Moi, pourquoi pas avec des musiciens à ce moment-là, mais trouver d'autres alternatives que la batterie, basse, guitare et un son un peu funky, quoi, tu vois. Je trouve que c'est autant cliché que du rap normal, finalement. Mais s'il y a des bonnes solutions qui sont trouvées, tu vois, avec des machines, un bassiste, machin, pourquoi pas, ouais, carrément. Donc toi, t'es venu avec tes tracks, avec tes instrus. Ouais. Il nous reste 17 minutes. Allez. Et on va t'écouter en live. Okay. Pour Où ira bien qui ira le dernier, dans les studios de Radio Panique. Ipsos est parmi nous. Et il va nous faire quelques morceaux, notamment de ton dernier album, hein, donc Le Salaire du Labeur. Exact. Mais je vais pas faire le morceau Le Salaire du Labeur. Ok. Vous ils auront qu'à aller l'écouter. Oui. Voilà. Yeah. « J'ai un laboratoire dans un coin de mon crâne où je dissèque le beat. Ce qu'il y a au fond de mon bide avant que je cesse de vivre, c'est mon anti-stress. Devine ce que j'aime le plus, gratter mes papyrus ou squatter les abribus. Car j'ai vu le feu dans les yeux des frères et sœurs. Le diable a tant d'appétit qu'il veut te bouffer le cœur. Ça me pousse à la syncope, je te jure. J'ai entendu les gosses dire que la haine ça fait écrire des 50 mesures. La rue t'apprend à cracher dans le hall, puis elle remplace le hall par tes rêves. Des sourires lumineux parlent ténèbres et des chicots pétés. Voilà pourquoi je m'applique au PC pour décompresser. Car au fond de mon beat ça sent le cramé. Y'a des fantômes du passé entassés qui pensent qu'à se casser. On sait ce que c'est que des yeux dans le vague qui se transforment en pleurs. C'est qu'une minute de silence qui se transforme en heure. Dans mon monde l'unité se fait honteuse, car elle ramène ses fesses crasseuses qu'on marche silencieuse. Au mieux elle se contente de faire le guet dans les coups fours et vision 360 degrés. Je voudrais décupler mes sens et ma perception, mais le vice nous tente à chaque intersection. Halluciner devant des fringues de luxe ou du polystyrène, frustré de pas trouver le gros bis qui paye, là où les publicités sont de jolies chimères, où les astérisques se cachent comme des polichinelles. Nous ne sommes pas que de la barbac pour publicitaire sous cocaïne et suicidaire. Le passé m'a déjà enseigné, car pour des rêves en toc j'ai vu mes parents saigner. Faire des ronds pour voir venir, oui mais à quel prix. Manger la poussière à ne plus avoir d'appétit. On a les idées trop crades pour des villes trop propres, plus de répit. Je veux me réincarner en tac sur un mur crépi, ou une putain de symphonie, ou même les sourds composent. Vu qu'on parle en off langue et que tout est sous contrôle, on se balade comme des zombies de bâtiment en bâtiment. Ouais, j'ai une tête de mort vivant, ou dans un état critique motivé par le battement de mon pic. J'ai le cerveau qui court circuit à 6h tardives. À 6h tardives. À 6h tardives où le silence me captive. J'garde ça dans un coin de mon crâne. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se floutent. Les équipes formées rapido sur un petit stade de foot. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se floutent. Les équipes formées rapido sur un petit stade de foot. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne, mon poteau. J'garde ça dans un coin de mon crâne. Ça fait beaucoup de coins, ça finit par remplir ma tête. Vite, j'vide ma taille pour me mettre high. Vite, j'effrite ma Z pour me mettre fly. Passe-moi le stylo que je vide mon surplus d'entrailles. Quand j'écoute nos cœurs qui souffrent, ça me donne pas envie de faire du dirty sauce. Sur le béton, les fleurs qui poussent ne sont pas que des mauvaises graines. Les jaloux parlent de toi, mine, te connaissent guère. Et ce qu'on espère, c'est s'arracher du gouffre, renaître de nos cendres comme ce type que t'avais pris pour un ouf. Fais une pause, vas-y, respire. Comme après un contrôle de la police quand t'as 13 piges, tu te souviens celui qui t'a mis la haine à vie, mais qui te rappelle désormais qui est le véritable ennemi. Peu à peu, on apprend à se contenir. Dis à nos démons qu'on est prêts s'ils comptent venir. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se floutent. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se floutent. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se floutent. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se floutent. Les équipes formées rapido sur un petit stade de foot, mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. J'lutte contre ce truc qui fait que les visages se foutent. Les équipes formées rapido sur un petit stade de foot, mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Mais t'inquiète, j'garde ça dans un coin de mon crâne. Aïe, ça c'était Fantôme du passé. Yeah, ça c'est sur Wacos Music Volume 1. Ok. Yo, à force finis par croire que le système a raison de nous, des bêtes domestiquées avec des ambitions étriquées. Certains diront que perdre le goût de la liberté n'a pas de sens, comme passer l'été à hiberner. J'rappe de l'acide nitrique dans la vésicule, voyage à travers les particules, à l'affût des convocations dans la boîte aux lettres. Un œil sur la feuille blanche, l'autre sur les comètes, coincé entre les deux lorsque la gravité bloque, là où les vendeurs d'illusions trop vite escroquent. Signe le contrat, on verra les détails plus tard, tu comprendras les clauses de bâtard. D'où font ton plumard des gouttes de sueur à la vue du facteur, entre deux bêtes de lyrics. Mais après tout, qu'est-ce que j'y risque? Au pire, je vais devoir leur expliquer ce qu'être activiste. Entre quatre yeux dans un bureau à Actiris, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Quand elle me demande ça va, je réponds pas trop mal. J'ai l'impression de passer à côté d'elle quand elle me demande ce que je suis devenu. Soit je gratte comme un ermite, soit je fonce dans les avenues. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Quand elle me demande ça va, je réponds pas trop mal. J'ai l'impression de passer à côté d'elle quand elle me demande ce que je suis devenu. Yo, Yo, j'rappe, j'crappe, j'ai l'impression que ça m'est nuisible. Quand les boulets que j'ai aux pieds deviennent invisibles, comme la poudre d'aluminium au fond d'une cuve qui brûle les poumons, telle une coulée de goudron, là où le soleil est un trou d'homme. La bouffe qu'on nous sert chaque jour a comme un goût d'homme. Dur de voir au-delà des nuages de gasoline, de trouver la paix intérieure comme un Shaolin. Paye ton ticket, finance le pays qui se lève tôt. Transporté dans le métro tel un bestiau, ça a des airs de solution finale aux heures de pointe. Encastré, imbriqué entre deux culs qui suintent. À la vue de ton boss dans ton slip, t'as des traces épaisses. J'aurais pu être bureaucrate à la tâche équestre. J'aurais pu être ce type blindé, mais honnêtement je préfère être ce type d'MC qui rappe en indé. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie quand elle me demande ça va. Je réponds pas trop mal. J'ai l'impression de passer à côté d'elle quand elle me demande ce que je suis devenu. Soit je gratte comme un ermite, soit je monte dans les avenues. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie quand elle me demande ça va. Je réponds pas trop mal. J'ai l'impression de passer à côté d'elle quand elle me demande ce que je suis devenu. Je rappe, je gratte, j'ai l'impression que ça m'est nuisible. Yeah, yeah. Je rappe, je gratte, j'ai l'impression que ça m'est nuisible. Yeah, yeah, yo, yeah, ok. Yo, c'est Ipso, j'ai déjà fait le dernier couplet. Mais c'est pas grave, mon poteau, on est là. Vas-y, mets la suite, mon poteau. Ok, ça c'est le chant des anonymes. Écoute le chant des anonymes. Écoute le chant des anonymes. Si tu te concentres, tu entendras le bruit des chaînes. On a pris le temps de faire du bodybuilding avec nos cervelles. Guette notre arrivée du haut des gratte-ciel. Certains se gavent, d'autres ont des cernes. Les premiers mangeront la poussière avant le dessert. Dans mes fantasmes, la chute est imminente. Les tympans éclatés par des voix stridentes. Comme dans Dune, je regarde le FM succomber sous un tas de thunes. Les pieds dans les décombres des tours de Babel. J'entends ce beat qui martèle, cette douce mélodie qui m'appelle. On est tous prêts à l'assaut, mais des pages noircies recto verso. Avec le plan des souterrains, on a appris à fabriquer des armes avec ce qui passe sous les mains. Et reprendre le contrôle de nos sens, comptabiliser les offenses. Depuis la perte de l'innocence, j'observe ce monde à travers un sépia rouge sang. Cette époque c'est Mad Max mais en moins flagrant. En guise d'armure, on a des survêtements. Du plomb dans la tête pour les soulèvements. C'est facile d'appeler à la paix. Le cul vissé dans un canapé, comme d'appeler à la guerre, avec pas grand chose derrière, à part un goût amer entre les molaires. Et faire répéter aux petits frères nos lyrics comme des perroquets, en attendant de voir leur cerveau se disloquer, ne leur laissant que des visions d'avenir tronquées. Entre le bruit des tavernes et le mythe des cavernes, on nous laisse des écrans pour nous tenir éveillés. Mais l'ambiance est chaotique, derrière les tubes cathodiques, c'est le chant des gosses et des darons. Partis au charbon, l'avenir transforme les roses en chardon. Le ciel s'assombrit, mais il n'y a pas de pluie. Si t'as pas compris, je collecte les larmes et la sueur pour éteindre les incendies. Car nous aussi, on a nos soldats inconnus. Des mecs que tu croises et que t'as jamais revu. Des gens comme toi, des gens comme moi, qui ne sont que des proies quand l'argent est roi. On a deux bras, on a fini par oublier qu'il y avait un cœur entre les deux. C'est à n'y rien comprendre comme la guerre entre les dieux. 2011, rien de neuf, à part que c'est pas les émotions qui font fleurir les portefeuilles. Ce système t'amène par la main à ta cellule. Le but de ta vie c'est d'en forcer la serrure. T'as la rage, et ben force les barrages sur ces autoroutes qui se transforment en voies de garage. On s'y engouffre comme dans des trains qui partent pour la rue et vers. Pour la rue et vers rien. J'cours tête baissée au fond d'une impasse. Je trace dans la masse. Je n'ai pas de pays, pas de couleur. Seulement ce chant de douleur. Le chant de cet anonyme que tu entends au loin. Si tu te concentres, tu entendras le bruit des chaînes. Le bruit des poulets qu'on traîne. Si tu te concentres. Si tu te concentres. Ensemble, tu entendras le bruit des chaînes, le bruit des boulets qu'on traîne. Yeah, yeah, Ipsos, Wacos Music, Radio Panique, yeah. Yeah, que le flow m'emmène, sous pas fou à la prod, yeah. Y'a des rimes qui peuvent paraître bateaux, mais y'a un truc qui fait que l'inconnu on l'aime pas trop. Quand on graille dans le même gâteau, sur le couteau y'a des bactéries. À prendre les miettes, y'a pas de mérite. On sert, on se barre très vite. Ma puce, on est dans le même bateau, jusqu'à ce qu'on coule ou qu'un bâtard casse ton boule. En attendant, j'palpe ton pouce, ça fait boum t'poum comme un rythme de soul. On a grandi sans jouer les bandits, ni les petits gandis. On a les abdos, la faiblesse on la laisse à d'autres. Y'a ceux qui ont pris des beignes et ceux qui ont pris les rênes. Ils ont compris les règles de ce monde, nous on s'remplit les veines avec toutes sortes de substances. Ce qui sait plus pourquoi tu danses. Y'a ceux qui prennent le large et ceux qui restent au même port et qui prennent de l'âge, étouffé sous des tas de crédits. J'ai check puis j'me taille ce crédit que le flow m'emmène. Les mains dans les poches, la tête qui hoche de droite à gauche et pas près de lâcher l'encre. Ou alors sur une feuille et un beat assez lent, mais ça me fait pas gémant. Mes gars sont pour me connaître, car avec eux j'ai fait les 400 coups. Mais soit tu prends ton bonheur où il est, soit tu passes ton tour. Ou pour combler vite tu claques ton flou. Je les emporte avec moi comme un vieux photomaton. On a des cages dans le crâne man et c'est nous les matons. On se met des coups de bâton, on s'appelle bâtard comme mon frère. Et en attendant comme on fait, t'as qu'à allumer ta bœuf. On va se la mettre à deux comme des vieux gâteaux. Regardons tourner ta MK2. Il nous reste quoi parce qu'on peut se dire en partageant un QSD dans la même posture. J'oublierai pas mon époque paquet 10. Les proches qui pointent aux acédiques, qui grattent le smic mais qui terrassent le spleen. Maintenant seul quand j'écrase le spliff dans un monde qui tourne sous trace de speed. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce titre? Je le jette à l'eau en pâture aux alligators. Et s'il y a mutinerie ou panique à bord, je ramerai tout seul dans ma galère. Je presserai mes galettes avec le mal de mer en vidant des packs de bière. Je mettrai les voiles, jetterai les illusions entre les dents des squales. Gerberai dans l'espoir, je rapperai dans l'espoir que le courant me ramène vers ce près de qui j'ai grandi, près de ce que j'aime. Dans mon bateau y'a pas de capitaine mais des carriéristes. Mais y'a pas que ça qui gêne, ce serait parler vite. Tous ces prix de liberté quand on a parlé vite ou parlé hublot. On n'a pas les mêmes paysages dans la tête, pas les mêmes quêtes, pas le même cap. Mais est-ce qu'on est dans le même bateau? Que le flow m'emmène, que le flow me ramène vers ce près de qui j'ai grandi, près de ce que j'aime. Que le flow m'emmène, que le flow me ramène vers ce près de qui j'ai grandi, près de ce que j'aime. Que le flow m'emmène, que le flow m'emmène, que le flow m'emmène. Ha ha. Aïe! Le beat il retombe à la fin évidemment. Yeah, voilà, c'était Ipsos. J'espère que vous avez kiffé. Il y a eu 2-3 petits plantages, mais bon, voilà, la fatigue. Ça, c'est un titre que je fais jamais. C'est ça le direct. Hein. Ouais, c'est ça le direct. Voilà, on se plante de temps en temps. Et ça, c'est un titre que j'ai jamais fait sur scène par exemple. Waouh, on a une exclue. Voilà, j'aime bien faire des trucs que je fais pas d'habitude. Est-ce qu'on finit par un mini freestyle ou... Ouais, vas-y, mets la dernière instru au pire. Arriba! Ipsos, freestyle pour Radio Panique. Nicole Martin au sample. Yo, j'ai commencé le rap en sachant que c'était une voie de garage. On paraît tranquille quand on kick en ville, on voit de la masse. 1 gramme de la maille dans la tombe, 2 jours meilleurs, on gratte la night. Des heures bénévoles, là le travail. Parfois attristé à l'idée que mes voisins pensent que je suis qu'un assisté. Je viens pas couper des têtes, et fuck si les rimes ont toutes été faites. Je viens faire bouger les têtes, je reste cool et pépère. C'est encore permis de faire couler mes fers. Je pense qu'il y a à garder, je laisse le reste pour l'éphémère. Je kiffe le moment présent comme un moment à 13 ans. Max prend les devants, car t'es plus devant que dans l'écran. La vie c'est un combat mais sans les gants. Écrire c'est bien mais faut encore rapper dans les temps. Et ouais mon poteau, sur des claquements de batterie, à travers les mots ressent les battements de ma vie. Là où ça sent la pisse, c'est la peinture fraîche. Le rap ça te fait marrer, moi j'attends la fin du sketch. Y'en a qui rappent mais c'est des mythos, dommage. Beaucoup ont mis des petits comiques au chômage. Ils me visent les billets, les filles trop volages. N'est que des récits de vie sur des beats trop sauvages. Aïe, yeah, ok, un. Yo, t'es un boss dans ton quartier mais t'es une merde en Bolivie. Carnage auditif à la Audibu. On m'a dit tu vas en Belgique, là où y'a que Benibi. J'crois que t'es trop élitiste, poteau, vérifie. J'ai le flow qui terrifie tes baffes. Mes récits t'éclatent comme un flic nazi qui vérifie tes faf. Devant tes frères et ta daronne qui passe envie de passer les nerfs sur un beat qui cartonne, qui froisse. C'est pour mes potes plus ou moins fortunés, mais pas ceux qui viennent t'apportuner de la coke opportunée. Maintenant t'écoutes, tu dis Abdoula. J'crattais pendant que tu joues avec ta Nouna, dans un bar tout naze. Déjà petit je disais m'en faut qu'on prenne le large, y'a trop de faux, y'a trop de mof encore. Plus la haine m'asserre, plus les potos fument. Mais j'espère que ça leur passe un jour comme la mode de l'autotune. En attendant je cause au mur, enfile la rythmique jusqu'aux ovules. Tel de gros obus dans la face d'un merle pénis. Je représente les sœurs et frères de Verne BX. Ça, un moment, fallait que je le dise. Quand je rappe, c'est dans mes poumons, cramé que je puise. Ne me demande pas si c'est par besoin ou habitude. J'ai juste l'impression que si j'arrête net, je capitule. Je donne pas de leçons de sermon en vrai. Je dis juste que c'est facile d'attendre la mort, le cerveau en veille. J'ai quasiment que le maniement, des mots qui m'alimentent. Pas de manigance, v'là une bombe de la rue mal y prend. Je fais qu'alterner des 16 et rentrer ivre. Un étroit dans nos vies, des fois on sent très vide. On peut aussi ne voir ce qu'on est censé vivre. Chacun ses refuges, moi c'est dans ses lignes. Yeah, yeah, Ipsos, Radio Panique. Yeah, yeah, Radio Panique, Ipsos, Wacos Musique. Aïe, l'aide de ma vie. Merci Ipsos. Ah, de rien. C'était vraiment bien. Merci pour être venu jusqu'au cinquième étage des studios de Radio Panique. Quelques petits mots sur une soirée qu'on a faite avec notre émission Où ira bien qui ira le dernier, le 25 novembre dernier au CAVE, pour fêter donc la première année de l'émission. Merci beaucoup à tous les bénévoles et aux musiciens qui sont venus. Vous pourrez entendre les semaines à venir les lives qui ont été enregistrés par Adrien Peters pendant la soirée, notamment Mister Diagonal, Ismaël Colombani, Clément Nourry, THX, tous en solo, une demi-heure de live. Vous pourrez réentendre tout ça bientôt sur les ondes de la radio. Un salut aux auditeurs de 48FM qui nous écoutent tous les derniers vendredis du mois à minuit. Retrouvez cette émission, la précédente, les précédentes sur notre blog ouirabien.blogspot.com. Un merci à Emmanuel pour l'après-midi de préparation de cette émission et à Damien qui a remplacé technicien à la technique, remplacé au pied levé DJP qui avait un concert. À très bientôt, merci Ipsos. À de rien, à bientôt.